alerte le matin. Un pipi dans la toilette le midi. Un pipi dans la toilette le soir. Un pipi dans la toilette la nuit. Baby, can I pull it down? Baby, can I pull it down?

toute une galère dans laquelle nous nous sommes embarqués. Aller au dépanneur et puis acheter un porte-clé pour remplacer celui que j'ai perdu l'autre bord de la rue.